Du jamais vu chez Delbo Automobile et jusqu'à la fin du mois seulement. À l'achat d'un modèle 2018 en inventaire, nous payons les 12 premiers mois de votre financement. Vous avez bien entendu, un an de paiement à nos frais à l'achat d'un Chevrolet Silverado 2018, d'un GMC Sierra 2018, d'un Buick Enclave 2018 ou encore d'un GMC Acadia 2018 en inventaire lors d'un financement de 96 mois. Nous avons encore 11 unités disponibles. Venez faire un essai routier chez Delbo Auto, votre concessionnaire Chevrolet Buick GMC. On va parler avec notre ami Wallet du site internet leblitznfl.com. Si vous avez su, si vous avez vu au cours des derniers jours, les gars se sont donnés pas à peu près. C'est incroyable comment ce site-là est devenu vraiment intéressant. On en parle avec notre ami Wallet. Salut Wallet! Salut Dan, ça va bien? Hey, ça va bien, ça va bien. Wallet, c'est rendu incroyable, votre site. Je pense que... Incroyable, Le repêchage, là, ça l'attire les passions, là, puis en ce moment, je te parle, puis je regarde les émissions d'avant-repêchage, t'as des milliers de personnes, là, qui sont sur Little Broadway à Nashville, je pense que l'engouement est là, puis on le sait que les fans du Blitz, ils veulent qu'on parle du draft, puis on aime parler du draft, puis c'est vraiment là qu'on combine un peu tout, tu sais, depuis mes tout débuts avec le Blitz, je suis le spécialiste de la NCAA, entre guillemets, il y a d'autres gars qui se spécialisent avec la NFL, puis on travaille ensemble pour se dire, hey, ça serait quoi les meilleurs besoins de nos équipes dans la NFL par rapport à ce qu'on a pu voir dans la NCAA. Donc, je pense qu'on fait du très bon travail. Puis, incroyable. Vous êtes rendu quelque chose de vraiment incroyable. C'est pas mal de fun. Merci beaucoup. Vous avez fait votre mock draft. Je t'ai vu cette semaine, mais là, j'essaie de te revoir sur le Blitz, mais bref, peu importe. Je suis allé voir ceux-là d'ESPN, je suis allé voir ceux-là également de NFL Network. Tout porte à croire que c'est Kyler Murray qui va être le premier choix au repêchage. La carrière du gagnant du trophée Heisman, des Sooners d'Oklahoma. Écoute, le gars, c'est un gars, potentiellement parlant, oui, c'est un blue chip qu'on appelle athlétiquement, c'est un gars incroyable. Par contre, il y a une question d'attitude et il y a une question aussi, je te dirais, de tu sais, même s'il a carrément dit qu'il allait jouer au football, il reste quand même une épine Damoclès. Donc moi, je trouve que c'est un choix un peu risqué. C'est vrai que Cliff Kingsbury le connaît très bien et c'est ça qui va faire en sorte, d'après moi, qu'il va être le premier choix. Par contre, ça reste risqué pareil. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Ah, moi, je suis 100% d'accord. Puis, regarde-moi, dans mon mock draft, cette année, j'ai changé un peu la manière de le faire. Dans le passé, j'essayais de prédire qu'est-ce qui allait se produire. Cette année, j'ai dit, regarde, je vais essayer de prendre les meilleurs choix par équipe pour les positions qui ont des besoins. Je mets pas Kyler Murray à mon numéro 1. Okay. Mais, comme tu dis, tout laisse à croire là, que c'est ça qui va arriver. Mais, on a parlé beaucoup de Nick Bosa, on a parlé beaucoup de Quinnen Williams aujourd'hui dans l'entourage des Cardinals. Donc, il semblerait que le choix ne soit pas encore sûr à 100%. Pour ce qui est de Kyler Murray, ben, pour revenir sur le sujet, je suis 100% d'accord avec toi. Il y a beaucoup de risques. Si ça fonctionne pas avec les Cards de l'Arizona, ça va prendre combien de temps avant qu'ils se disent, ben, tu sais quoi, je vais retourner jouer au baseball, ben puis ouais. je vais rester en santé, puis je vais faire de la grosse argent. On parle quand même d'un gars qui a sorti 9e au total, vu même pas un an. Non. En juin 2018, c'est un choix de 9e au total. Et on le compare à Ricky Anderson. Pour suivre le baseball beaucoup, là. Ricky Anderson, pas besoin ben de l'expliquer c'est qui, là. Fait que, tu sais, les A's d'Oakland vont toujours l'accueillir à bras ouverts s'il arrive de quoi. Fait que, tu sais... Comme qu'on se dit, la NFL, les choses changent vite. Moi, une théorie là, que je pense, c'est que je serais pas surpris qu'il y ait beaucoup d'équipes qui appellent les Cards de l'Arizona pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent en échange de Josh Rosen, le gars qui ont pêché 10e au total l'an passé. Ouais. Moi, je serais pas surpris que les Cards leur disent « Ben, regarde, si t'es intéressé à Rosen, qu'est-ce que tu serais prêt à donner pour avoir le premier choix au total, puis la chance de repêcher Kyler Murray? » Moi, je pense que c'est pour ça que ça n'a pas été encore confirmé. On le sait, là, il y a des discussions derrière les rideaux qui se font entre les directeurs généraux de la NFL. Donc, ça va être super intéressant à voir là, ce qui va se passer. Le développement, surtout au niveau des corps arrière, là, je pense que c'est vraiment ça qui va dicter l'allure du repêchage ce soir. Puis moi, je m'attends à des belles surprises. OK. Tu parlais de Rosen. On disait que les Pats pourraient être intéressés à Rosen. T'as-tu vu ça passer à un moment donné? J'ai pas vu les Pats. J'ai vu que les Dolphins de Miami et que les Giants de New York étaient très intéressés à Josh Rosen. Mais les Patriots, tu me l'apprends. Puis encore là, pas passer là tout de suite. Là. Ça fait 2-3 semaines que j'ai vu passer la nouvelle. Là. Puis regarde, ça me surprendrait même pas. Parce Non, ça prend un carrière. Là. Écoute bien, Tom, là. Ça prend un carrière. Puis dans la semaine du repêchage, c'est une semaine de surprise. Ouais. Je fais des mock drafts, je fais des top 5, je fais des top 100. Puis le monde, ça m'écrit ses réseaux sociaux. Ah, non, tu te trompes, ça arrivera pas. Ça va. Regarde, on se trompe tous. Ouais. Il va y avoir des échanges ce soir. D'après moi, je prédis entre 6 à 8 échanges. Il y a des gros noms qui vont bouger. Le visage de la NFL va changer pour la saison 2019 à partir de ce soir. Donc, c'était le fun de faire des prédictions. Mais regarde, comme tu dis, regarde, peut-être que les Patriots vont arriver, vont sortir de nulle part, offrir un choix de deuxième round. Ils ont plusieurs choix repêchage. C'est ça qui est intéressant. Moi, je pense qu'ils en ont quoi? 9? Ouais. Neuf, puis pas juste ça non plus. Moi, je m'attends que les Pats pourraient être actifs parce que écoute, c'est sûr, je suis un fan des Pats, là, vendu, là, sauf que là, ils ont un allié rapproché, ça leur prend absolument un allié rapproché pour remplacer Gronk. Il y en a deux bons, il y en a deux très bons, je pense qu'il y en a deux qui devraient sortir en première ronde, peut-être même trois. Ouais, ben là, on parle, là, que TJ Hockenson, de Iowa, puis après ça, t'as Irv, j'oublie son nom. T'as le gars de Irv Smith d'Alabama, si je me trompe pas. Puis Noah Friend de Iowa. Oui, on le voyait dans les mock drafts avec les Pats, sauf qu'il pourrait s'avancer, hein? Ben, moi, c'est ça. Puis c'est quand ceux qui ont vu mon mock draft ou ceux qui l'ont pas vu, dans mes analyses du repêchage, il y a une chose que je disais, je veux voir les Patriots s'avancer. On voit jamais les Patriots s'avancer, ils reculent tout le temps. Mais là, la fenêtre, l'air Tom Brady achève, là. Il reste maximum, quoi, 2 ou 3 ans. Aussi bien mettre tous les œufs dans le même panier puis essayer d'aller gagner un ou deux autres Super Bowl en ayant des gros choix de pêchage. Comme tu l'as dit, ils ont 9 choix de pêchage. Moi, j'irais fort. J'essaierais d'aller chercher des armes alentour de Tom Brady pour le faire bien paraître là, pour ses dernières saisons à Boston. OK. Bon, tu as parlé de carrière. Est-ce que c'est il y en a 3, il y en a même 4 qui devraient sortir en première ronde? Murray, c'est sûr qu'il va sortir en première ronde. Haskins de Ohio State. Jones également, de Duke, Drew Jones également. On dit que c'est pas le corps le plus talentueux. Par contre, il est très intelligent. Puis c'est un gars de système. Donc, ben, c'est ça. Puis moi, excuse. Non? Ouais, ça, tu disais dans le fond qu'on allait avoir à peu près 3 à 4 corps arrière de pêcher. Ouais. Moi, personnellement, selon mon évaluation, selon ce que j'ai vu, je crois que seulement Murray et Haskins sont des talents de première ronde. Je crois que les trois autres, Jones, Creer puis Drew Lock, c'est des bons corps arrière, mais c'est des corps arrière que se faisant repêcher en première ronde, ça met beaucoup de pression à l'équipe pour faire jouer le joueur. Moi, c'est des joueurs que je voudrais voir en deuxième ronde, derrière des corps arrière d'expérience qu'on développe puis que d'ici à 2 à 3 ans, ils deviennent des corps arrière partants. Mais on connaît la NFL, on connaît le règlement. Là, c'est un choix de première ronde. L'équipe peut avoir une option sur ta 5e année de contrat. Donc, ce ne serait pas surprenant là, d'en voir 3, 4, peut-être même 5 sortir. Ouais. Dans les derniers jours, j'entends beaucoup parler de Ryan Finley, le corps arrière de NC State. Un gars qui pourrait peut-être se faufiler en première ronde aussi. Là. OK. Dis-moi, je reviens sur John Rosen. Est-ce que, parce que s'il y a des rumeurs qui vont être échangées ce soir, écoute, ça fait qu'un an, là. C'est très, très... Moi, je trouve qu'ils ont démissionné très vite sur un carrière qui a un an seulement. Puis les Cards d'Arizona, c'était pas l'idéal. Es-tu d'accord avec moi? Ah, tout à fait. Regarde, l'an passé, moi, j'ai évalué Josh Rosen. C'était pas convaincant, là, avec UCLA, là. Absolument pas. Puis, quand je te disais, je l'évaluais, je disais que c'était un joueur qui me faisait penser un peu à Eli Manning. Ouais. De mémoire, je le plaçais top 3 dans mes corps arrière, derrière Baker Mayfield puis Sam Darnold. C'est vraiment pas un mauvais corps arrière. Puis, s'il est dans le bon système, il peut connaître beaucoup de succès. Fait, moi aussi, je trouve ça étonnant, surtout avec la qualité des joueurs défensifs qu'il y a dans la NFL. Je comprends pas pourquoi que les Cards de l'Arizona sont pas plus intéressés d'aller chercher un gars comme Quinnen Williams ou Nick Bosa ou que ce soit Josh Allen. Je pense que Kyler Murray, c'est un gros risque. Ouais. Mais regarde, Nouvel entraîneur, il veut son joueur. Je pense qu'on va le savoir dans environ 2h30, qu'est-ce qui va se passer avec l'avenue des Cards. Effectivement, effectivement. Comment, c'est-tu un bon repêchage cette année? C'est-tu un bon, c'est ça toujours embêtant, peu importe le repêchage, c'est n'importe où, comment le joueur se développe, comment le, mais est-ce que c'est des bons? Ben, je te dirais qu'au niveau là, de la ligne défensive, là, que ce Ouais. soit les defensive tackles ou les edge rushers, tu as beaucoup, beaucoup de talent, là, surtout en première ronde. OK. Je te dirais qu'au niveau, mettons, des porteurs de ballon, des receveurs de passe, c'est un peu ambigu. Là. On pense qu'il va avoir peut-être un maximum de 4 à 5 joueurs de position qui vont être repêchés en première ronde, ce qui serait pas beaucoup. Ouais. Corps arrière, je suis pas un fan des corps arrière cette saison, mais beaucoup de bons joueurs de ligne offensive, que ce soit des plaqueurs de l'extérieur ou les joueurs de centre, les gardes, beaucoup de bons joueurs de ligne offensive, beaucoup de bons joueurs de ligne défensive. Donc, tout dépend de la position qu'on analyse. Il y a des très bons joueurs à toutes les positions, mais je pense que ça joue vraiment au niveau là, des deux lignes, la ligne offensive et la ligne OK. défensive. Dis-moi, les Raiders, c'est un repêchage très important parce qu'ils ont trois choix en première ronde. Ouais. C'est très, très important parce qu'eux, ils ont échangé l'homme de l'équipe, Khalil Mack, l'an dernier pour un choix en première ronde des Bears de Chicago. John Gruden n'a pas le droit de se tromper, là. Pas le droit. Non, il n'y a pas le droit de se tromper. Puis, c'est pour ceux qui ont suivi les nouvelles, c'est assez intéressant ce qui s'est passé dans la dernière semaine. Ouais. Mike Mayock, qui est le nouveau directeur général, puis John Gruden ont donné la semaine de congé Ah à oui, leurs c'est bon ça, dépisteurs puis à ouais. leurs recruteurs. Donc, c'est eux qui s'occupent de la première ronde. Tu as deux hommes seulement qui vont décider des trois prochains choix de l'équipe. C'est trois choix majeurs, là, des choix de première ronde dans la NFL. Tu es supposé de performer le jour 1 l'année suivante, à moins d'être un corps arrière que tu as l'intention de Ouais. développer. Donc, T'es en train de me dire que ça, ils sont mis carrément la tête sur la bûche, là. Oh, ouais, tout à fait. Ça passe ou ça casse. Dans 3 ans, si les Raiders, Ouais. quand ils vont déménager à Las Vegas, s'ils n'ont pas une équipe compétitive, je pense que ni Mayock ni Gruden vont être en poste. Avec autant de choix en première Non. ronde, tu dois y aller fort. Puis il y a des rumeurs, puis j'espère On que c'est parle juste des rumeurs qui disent d'Ed comment? Oliver de Houston. Je suis quatre analystes sur de NFL Network, là. Il y en a trois sur quatre qui disent que le premier choix des Raiders va être Ed Oliver de Houston. Il y en a Ouais, un qui dit puis que c'est Josh Allen. moi j'ai Ed Oliver aussi dans mon mock Ouais. draft. Mais quand j'allais dire là, les rumeurs, c'est que les Raiders vont peut-être essayer d'échanger des choix pour s'avancer. Si exemple, Kyler Murray sort pas numéro 1, OK. il y a des rumeurs que les Raiders voudraient s'avancer pour Kyler Murray. Mais moi c'est une erreur que je ferais pas. Ben Toutes les analystes que j'ai vues disent toutes que Derek Carr, c'est pas un mauvais carrière, il y a non. du potentiel, faut juste que tu l'entoures, puis je pense qu'il faut que tu l'entoures avec trois bons choix en première ronde. Moi, c'est simple, dans mon mock draft, j'ai trois joueurs de ligne défensive. Les Raiders étaient tellement horribles en Ouais. défensive l'an dernier que, aussi bien, tu mets trois gros joueurs là, tu viens d'améliorer de façon exponentielle là, ta défensive. Oh, les Raiders qui parlent au quatrième rang, qui parlent au 24e rang, ça c'est le choix des Bears, c'est ça? Oui. Et au 27e rang. Au 24e rang, les quatre, je dis bien les quatre, là, ils vont avec Josh Jacobs de Alabama, qui écoute, puis ça donne une certaine crédibilité parce que Marshall Lynch a annoncé sa retraite. Fait Ouais, que. moi j'avais pas quand j'ai fait mon mock draft en date de Ouais. lundi, Marshawn Lynch était toujours un Raiders. Donc moi je vois Monty Sweat, le joueur de le maraudeur extérieur de Mississippi State, reculer dans le OK. repêchage, puis je le vois arriver aux Raiders. Mais effectivement, le voir Josh Jacobs d'Alabama ferait beaucoup de sens. C'est un porteur de ballon talentueux, puis probablement le seul qui mérite d'être repêché en première ronde de cette Ouais. saison. Voilà, comment tu fais ton repère? Comment tu fais ça, ton mock draft? Puis comment t'as mis d'heure pour faire ton mock draft? Ben, c'est pas dur. Pour moi, tu y vas avec les besoins. Tu y vas avec. C'est pas dur. C'est ça, les besoins des équipes, j'imagine. Puis tu y vas là-dedans. Ouais, ben comme je te disais là, au début de notre entrevue, là, dans le passé, j'essaie toujours de prédire vraiment ce qui allait se passer. Mais Ouais. je me suis rendu compte dans les dernières années, avec le nombre d'échanges qu'il y a, ça vaut même pas la peine. Donc, cette année, j'ai été simple, j'ai dit, regarde, pour commencer avec les Cardinals, moi, si je suis le directeur général des Cards, c'est quoi mon plus gros besoin, c'est quoi le meilleur joueur pour le combler. Les Cards avaient une défensive terrible. J'évalue Quinnen Williams comme le meilleur joueur du repêchage. Donc, c'est simple, on met Quinnen Williams. Puis, je descends comme ça. Ça a été une formule différente cette année. Je te dirais que peut-être une heure ou deux là, pour mettre un peu de détails de pourquoi que j'ai fait ce choix-là. Donc, environ une heure ou deux là, pour faire mon mock draft. Wallet, gros merci. Félicitations pour ton travail. Félicitations à l'équipe du Blitz aussi. C'est incroyable tout le travail. On voit que Tony est en train de vraiment de faire toute qu'une équipe avec vous autres. Fait que si vous êtes vraiment rendu une référence, une des références, qu'il y en a quand même plusieurs. Là, Stéphane Cadorette fait tout un job aussi. Mais vraiment, au niveau de la notoriété, là, franchement, là, vous êtes pour ce repêchage-là, moi, félicitations. On s'en reparle lundi. Merci des bons mots, Danny. Puis bon repêchage à tout le monde. On espère qu'on ait bien du suspense ce soir. Et on espère les Pats. Go, Pats, go! Moi, j'ai donné ma liste d'épicerie à Bill. Mais qui je suis, moi, pour donner ma liste d'épicerie à Bill? J'ai demandé un carrière, puis j'ai demandé un allié rapproché. Ah, qui c'est? Mais qui je suis? Je n'ai pas si bien. OK, c'est bon, on s'en reparle. Salut, Danny. Billy Wallet du site Le Bits NFL.